les yeux craquent, embrasse-moi et craque. Shibam, bow, blop, whee, shibam, bow, blop, whee, shibam, bow, blop, whee, shibam. Avec moi par-dessus les buildings, ça fait rime. Et quand on s'envole et on fait clic, après moi je te fais dire que ça fait ring. Shibam, po, blop, oui. Shibam, po, blop, oui. Shibam, po, blop, oui. Shibam. We'll be right back. sang. Couleur café, j'aime ta couleur. Je ressuscite. Monsieur excite des petites sortes de baquets qui s'agitent. Sex and sound. soleil, au zénith, monsieur excite. Des petits sangs, des baguettes qui s'agitent. Toi petite,